papa pour vingt ans maillot. La larme est vraiment ma petite félicence. N'a aucun photo mon bimba, n'a pas mon aïe. Papa si yango est banda qui m'envole yango. Tokutana qui monte mes pocagites n'a aïe. A la grande tristesse, je suis découragé. Lorsque tu refuses la proposition yango de manama. Comme il côté là, où tu es, il dit moi, il est pour la voix.